Qui au printemps tambourait et trop prend ta flûte rebelle. Qui au printemps tambourait et trop prend ta flûte rebelle. Au son de ses instruments, tu c'était la mort.